Yo le fais lolo. You be left to the cops. You be left to the cops. Tu rentres à madame. Tu rentres à madame. Tu rentres à madame. Tu rentres à madame. Tu rentres à madame. Tu rentres à madame. Je crois qu'elle a capté, pote pourri gâté qui marche à mes côtés. Marche à mes côtés. J'ai vu son tarpé, je suis parti la draguer. Je crois qu'elle a craqué. Je crois qu'elle a craqué. Le terrain j'ai tâté, son cœur mais j'ai taclé. Il est venu m'attaquer. Il est venu m'attaquer. J'avoue que c'est un paquet. Prends la et partez, ou tu es fini plâtré. Vu ma tête gros, je suis pas là pour blaguer. Continue, c'est ta mère qui va planter. Si je la pine l'heure d'après, elle t'a plaqué. Coudra magique, écoute, tu n'es pas prêt. Écoute, tu n'es pas prêt. C'est clair mon pote. Allô, est-ce que t'as capté? Allô, allô, eh. Tiens ta madame. Ouais, je crois qu'elle a craqué. Tiens ta madame, tiens ta madame, tiens ta madame, est-ce que t'as capté? Tiens ta madame, tiens ta madame, tiens ta madame, je crois qu'elle a craqué. Fais belle catago, fais belle catago, go go, fais belle catago. Est-ce que t'as capté? Fais belle catago, fais belle catago, go go, fais belle catago. Je crois qu'elle a craqué. Tiens ta madame. Ta madame sur la piste, elle pue le parfum et la tease. Y'a les types qui la guichent, ouais. Y'a les types qui la guichent. On la surnomme le vilain décolleté. Faut que tu nous dises où tu l'as dégoté. Parce que mon gars dans toute la boîte, t'es le seul qu'elle a pas dégoûté. Tiens ta madame. Tiens ta madame. Tiens ta madame. Tiens ta madame. Est-ce que t'as capté? Tiens ta madame. Tiens ta madame. Tiens ta madame. J'crois qu'elle a craqué. Tiens ta madame, est-ce que t'as capté? Tiens ta madame, tiens ta madame, tiens ta madame, j'crois qu'elle a craqué. Atalaka, Ali Naka, Bilobo, chérie.